Qu'est-ce que la clairaudience en spiritualité? 1. Introduction à la clairaudience. La clairaudience, phénomène fascinant du domaine de la spiritualité, offre une manière unique de percevoir et d'expérimenter le monde. Dans cet article, nous approfondissons la clairaudience, explorant sa définition, ses origines et sa signification dans les pratiques spirituelles. Nous examinons également les signes de clairaudience, les techniques permettant de développer cette capacité et comment la différencier des problèmes de santé mentale. De plus, nous discuterons des avantages, des applications et des conseils pour nourrir et protéger ces dons clairaudients. Rejoignez-nous dans ce voyage éclairant pour percer les mystères de la clairaudience et élargir votre compréhension du domaine spirituel. Qu'est-ce que la clairaudience ? Alors, vous avez entendu parler de clairvoyance et de clairsentience, mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est exactement la clairaudience ? Eh bien, mon ami curieux, laissez-moi vous éclairer. La clairaudience est une capacité psychique qui implique la capacité d'entendre des choses au-delà du domaine de la perception humaine normale. C'est comme avoir une ligne directe avec le monde des esprits, mais au lieu d'avoir une conversation gênante avec Casper le sympathique fantôme, vous entendez des messages, des sons et des chuchotements de l'autre côté. Importance de la clairaudience dans la spiritualité. Maintenant, vous pourriez penser, pourquoi ai-je besoin de clairaudience dans mon voyage spirituel? Ne puis-je pas me contenter de chanter sous la douche et d'espérer l'inspiration divine? Eh bien, mon compagnon spirituellement curieux, la clairaudience, c'est comme avoir une ligne d'assistance spirituelle personnelle. Elle vous permet de recevoir des conseils, de la sagesse et des messages provenant de royaumes supérieurs. Que vous cherchiez des réponses, que vous vous connectiez avec vos guides spirituels ou que vous ayez simplement envie d'une expérience spirituelle plus profonde, la clairaudience peut changer la donne. C'est comme avoir votre propre service de conciergerie spirituelle, mais sans les frais exorbitants. 2. Comprendre le concept de clairaudience. Définition et explication de la clairaudience. Décomposons le mot clairaudience, d'accord? Clairaudience est dérivé des mots français clair, qui signifie clair, et audience, qui signifie entendre. En termes simples, la clairaudience est la capacité d'entendre clairement les choses à un niveau psychique. C'est comme avoir des oreilles surchargées capables de capter les messages du royaume des esprits. Imaginez simplement avoir un son surround pour votre âme. Comment fonctionne la clairaudience? Maintenant, vous vous demandez peut-être comment fonctionne réellement la clairaudience. Est-ce comme si une station de radio secrète jouait dans votre tête? Eh bien, pas tout à fait. La clairaudience se manifeste souvent par une voix intérieure ou une pensée qui ne vous appartient pas. Cela peut également prendre la forme de sons extérieurs ou même de musique. Pensez-y comme à l'écoute d'une station de radio cosmique à laquelle vous seul avez accès. Ainsi, la prochaine fois que vous entendrez une chanson entraînante qui semble sortir de nulle part, il se peut qu'il s'agisse simplement d'un DJ céleste qui joue des rythmes d'un autre monde juste pour vous. 3. L'histoire et les origines de la clairaudience. Première référence à la clairaudience dans les civilisations anciennes. La clairaudience n'est pas seulement une mode récente dans le monde spirituel. Le concept existe depuis des siècles et est apparu dans des civilisations anciennes comme l'Égypte, la Grèce et même parmi les cultures autochtones. Il semble que nos ancêtres écoutaient le divin bien avant que les smartphones et les écouteurs Bluetooth n'envahissent nos vies. Donc, si jamais vous avez l'impression d'être en retard à la soirée clairaudie, rappelez-vous que cette capacité provoque des révélations orgasmiques depuis des temps immémoriaux. Évolution de la clairaudience à travers les traditions spirituelles. Tout au long de l'histoire de l'humanité, la clairaudience a évolué et a pris différentes formes au sein des traditions spirituelles. Des chamans et mystiques aux médiums, diverses pratiques ont adopté et affiné cette connexion auditive avec le domaine spirituel. C'est comme un remix sans fin d'expériences clairaudiantes à travers les cultures et les époques. Ainsi, Que vous pratiquiez des rituels anciens ou que vous vibriez à la spiritualité moderne, la clairaudience reste une partie fascinante et durable de notre répertoire surnaturel. 4. Signes et symptômes de la clairaudience. Reconnaître les expériences clairaudies. Maintenant, vous vous demandez peut-être si vous avez déjà vécu une expérience de clairaudition sans même vous en rendre compte. Eh bien, mon camarade curieux, il y a des signes révélateurs à surveiller. Avez-vous déjà entendu votre nom être appelé alors qu'il n'y avait personne? Ou peut-être avez-vous reçu des conseils ou des idées qui semblaient avoir été murmurées dans votre esprit? Il pourrait très bien s'agir d'exemples de clairaudience en jeu, mon ami. Alors, la prochaine fois que vous entendrez une voix mystérieuse dans le vent, ne la considérez pas comme le chat de votre voisin discutant avec les oiseaux. Signes et symptômes courants du développement de la clairaudience. Si vous vous sentez intrigué et souhaitez développer vos super pouvoirs de clairaudibilité, il existe certains signes et symptômes courants à surveiller. Ceux-ci peuvent inclure une sensibilité accrue au son, une fascination pour la musique et les paroles, ou même des hallucinations auditives. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un signe de folie. Donc, si vous vous retrouvez en train de brouiller ces vibrations spirituelles et de remarquer une conscience sonore accrue, félicitations. Votre clairaudience pourrait simplement être à l'écoute et augmenter le volume. 5. Développer et améliorer les capacités de clairaudition. Technique pour renforcer la clairaudience. Si vous avez toujours voulu vous connecter au murmure de l'univers, la clairaudience est la capacité dont vous avez besoin. Mais développer ce don demande du temps et de la pratique. Voici quelques techniques pour vous aider à renforcer vos capacités de clairaudience. 1. Commencez par apaiser votre esprit, trouvez un environnement paisible où vous pourrez vous détendre et vous concentrer. La méditation ou les exercices de respiration profonde peuvent vous aider à libérer votre esprit des distractions et à créer un espace réceptif. 2. Écoutez votre intuition, faites attention à cette voix intérieure, au murmure silencieux qui vous guide. Faire confiance à son intuition permet d'ouvrir la porte à la clairaudience. 3. Pratiquez l'écoute active, dans vos interactions quotidiennes, faites l'effort de véritablement écouter les autres. Cela entraîne votre esprit à s'accorder et à s'adapter à différentes fréquences. 4. Pratiquez la thérapie sonore, explorez différents types de thérapies sonores, comme l'utilisation de bols chantants ou de diapasons, pour accroître votre sensibilité aux vibrations et aux fréquences. Exercice de méditation et de visualisation pour améliorer la clairaudience. Les exercices de méditation et de visualisation peuvent être des outils puissants pour améliorer vos capacités de clairaudience. Voici quelques exercices à essayer. 1. Visualisation sonore. Fermez les yeux et imaginez-vous entouré d'une symphonie harmonieuse. Concentrez-vous sur les détails complexes de chaque son, permettant à votre imagination de créer une expérience auditive riche. 2. Connexion avec vos guides spirituels. Pendant la méditation, imaginez-vous dans un espace paisible où vous pouvez communiquer avec vos guides spirituels. Demandez-leur de vous aider à développer votre clairaudience et écouter les messages qu'ils pourraient avoir pour vous. 3. Méditation guidée par le son. Trouvez des méditations guidées spécialement conçues pour améliorer la clairaudience. Ces méditations peuvent incorporer des paysages sonores, des affirmations ou des visualisations guidées pour vous aider à vous mettre en phase avec le monde spirituel. N'oubliez pas que développer vos capacités de clairaudience est un voyage et que les progrès peuvent varier d'une personne à l'autre. La patience et une pratique constante seront vos compagnons de route. 6. Comment faire la différence entre la clairaudience et les problèmes de santé mentale? Comprendre la frontière fine entre la clairaudience et les hallucinations auditives. La clairaudience peut être un cadeau merveilleux, mais il est crucial de la différencier des problèmes de santé mentale impliquant des hallucinations auditives. Voici comment reconnaître la différence. 1. Cohérence et contexte. Les expériences clairaudientes se produisent souvent lors de pratiques spirituelles, de méditation ou lors de la connexion avec des royaumes supérieurs. Les hallucinations auditives, en revanche, peuvent être plus persistantes et survenir de manière aléatoire, souvent sans rapport avec un contexte spirituel ou métaphysique. 2. Impact émotionnel. La clairaudience s'accompagne généralement d'un sentiment de paix, d'orientation ou de réconfort. Au contraire, les hallucinations auditives associées aux problèmes de santé mentale peuvent provoquer de la détresse, de la peur ou de la confusion. Recherchez de l'aide et des conseils professionnels. Si vous n'êtes pas sûr de la nature de vos expériences auditives ou si elles commencent à interférer avec votre vie quotidienne, il est essentiel de demander l'aide d'un professionnel. Les professionnels de la santé mentale peuvent vous fournir des conseils et un soutien pour vous aider à comprendre et à gérer toute condition sous-jacente. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Votre bien-être doit toujours être une priorité et des professionnels sont là pour vous accompagner dans votre voyage. 7. Avantages et applications de la clairaudience dans les pratiques spirituelles. Communication avec les guides spirituels et les êtres supérieurs. L'un des aspects les plus passionnants de la clairaudience est son potentiel de communication avec les guides spirituels et les êtres supérieurs. En développant vos capacités de clairaudibilité, vous pouvez ouvrir une ligne de communication avec ces entités spirituelles, accédant ainsi à leur sagesse, leurs conseils et leur soutien. Grâce à la clairaudience, vous pouvez recevoir des messages, des idées ou même des instructions spécifiques de vos guides spirituels. Cette connexion directe peut être incroyablement stimulante et vous aider à naviguer dans votre voyage spirituel avec clarté et confiance. Utilisez la clairaudience pour la guérison et l'orientation. La clairaudience peut également être un outil puissant de guérison et de croissance personnelle. En écoutant activement les messages reçus par clairaudience, vous pouvez obtenir des informations précieuses sur vos propres défis, choix et opportunités de guérison. Qu'il s'agisse de conseils sur les relations, les décisions de carrière ou le bien-être émotionnel, la clairaudience peut vous offrir une perspective unique et vous orienter vers la meilleure voie pour votre croissance et votre bonheur. Embrasser ce don peut conduire à une transformation profonde et à une connexion plus profonde avec vous-même et le monde spirituel. 8. Conseils pour nourrir et protéger vos dons clairaudients. Créer un espace sûr et sacré pour les pratiques de clairaudie. Lorsque vous travaillez avec la clairaudience, il est crucial de créer un espace sûr et sacré pour vos pratiques. Voici quelques conseils pour vous aider à entretenir et à protéger vos dons de clairaudience. 1. Trouvez un espace calme. Choisissez un environnement paisible où vous pouvez minimiser les distractions extérieures et vous concentrer sur les royaumes subtils du son. 2. Purifiez l'énergie. Avant de vous engager dans des pratiques de clairaudience, nettoyez l'espace en brûlant de la sauge, en allumant de l'encens ou en utilisant d'autres rituels de purification qui résonnent en vous. 3. Définissez vos intentions. Clarifiez vos intentions avant de commencer tout travail de clairaudience. Déclarez que vous souhaitez uniquement vous connecter avec des êtres d'amour et de lumière et demandez protection et conseils tout au long du processus. Fixez des limites et gérez la surcharge énergétique. À mesure que vous développez vos capacités de clairaudience, il est important de fixer des limites et de gérer la surcharge énergétique. Voici quelques suggestions. 1. Enracinez-vous. Engagez-vous dans des pratiques d'ancrage comme la marche dans la nature, La pratique du yoga ou la connexion avec l'énergie de la Terre pour apporter équilibre et stabilité à vos expériences clairauditives. 2. Protégez votre énergie. Visualisez-vous entouré d'une bulle de lumière protectrice avant de vous engager dans des pratiques clairaudientes. Cela peut vous aider à vous protéger de toute énergie négative ou accablante. 3. Faites des pauses si nécessaire. Si vous vous sentez dépassé ou épuisé, faites une pause dans les pratiques de clairaudience. Écoutez votre corps et honorez vos limites. N'oubliez pas que vos capacités de clairaudience vous sont propres. Embrassez-les, nourrissez-les et explorez les merveilles qu'ils peuvent apporter à votre voyage spirituel. En conclusion, la clairaudience ouvre des possibilités infinies pour se connecter avec le royaume spirituel et recevoir des conseils divins. En comprenant et en entretenant nos capacités de clairaudibilité, nous pouvons nous lancer dans un voyage de découverte de soi, de croissance spirituelle et de transformation profonde. Que vous commenciez tout juste à explorer la clairaudience ou que vous ayez déjà expérimenté ces merveilles, n'oubliez pas d'aborder ce don avec révérence, de pratiquer le discernement et d'honorer vos limites personnelles. Embrassez le pouvoir de la clairaudience et laissez ses murmures vous guider sur votre chemin spirituel. FAQ 1. Tout le monde peut-il développer la clairaudience? Oui, n'importe qui a le potentiel de développer la clairaudience. Bien que certaines personnes puissent avoir une inclination naturelle vers cette capacité, avec du dévouement, de la pratique et les bonnes techniques, n'importe qui peut améliorer ses compétences de clairaudibilité. 2. Comment puis-je faire la différence entre les véritables expériences clairaudientes et l'imagination? Faire la différence entre les véritables expériences clairaudientes et l'imagination peut s'avérer difficile. Cependant, les véritables expériences clairaudientes s'accompagnent souvent d'un sentiment de clarté, d'exactitude et d'un sentiment de guidance extérieure. Tenir un journal de vos expériences, pratiquer le discernement et rechercher la validation auprès de sources fiables peuvent vous aider à déterminer l'authenticité de vos capacités de clairaudience. 3. La clairaudience peut-elle être écrasante ou intrusive? Oui, la clairaudience peut parfois être écrasante ou intrusive, surtout si vous n'êtes pas préparé ou si vous n'avez pas fixé de limites appropriées. Il est crucial d'établir une protection énergétique, de pratiquer des techniques d'ancrage et de définir des intentions claires pour gérer l'intensité des expériences clairaudientes et éviter qu'elles ne deviennent envahissantes. 4. Dois-je demander conseil à un professionnel si je souffre de clairaudience? Si vous souffrez de clairaudience et que vous avez du mal à gérer la clairaudience ou à faire la différence entre la clairaudience et les problèmes de santé mentale, il est conseillé de demander conseil à un professionnel. Un mentor spirituel qualifié, un médium ou un professionnel de la santé mentale peut vous fournir le soutien, les conseils et la validation nécessaires pour vous aider à naviguer dans votre voyage clairaudient avec clarté et confiance. Page 37, nous allons voir un exemple de méditation pour développer votre clairaudience. Page 37.